طيب من يذكر في أي حديث توقفنا في الدرس الماضي؟ Qui se rappelle à peu près l'histoire du hadith dans lequel on s'est arrêté le cours dernier? Le hadith de la femme qui a été divorcée par son mari. Il a recommandé de marier à... Ah, Oussama ibn Zayd. Ahsan fillah darak. Naam, on était bien dans ce hadith. Qui est un hadith azim jiddan. Le hadith de Fatima ibn Qais. Anna Aba Amr ibn Hafs talaqaha al-batta wa huwa ghaib wa fi riwayatin talaqaha thalathan. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. Donc on a vu que cette femme a été divorcée par son mari trois fois alors qu'il n'était pas présent. Elle a été divorcée par son mari trois fois alors que il n'était pas présent. Cependant, il lui a quand même envoyé une sadaqa, un peu de blé. Et elle, en voyant cela, elle s'est énervée contre lui, sûrement en demandant, ou en estimant qu'elle avait droit à plus que cela. Donc ensuite, le compagnon lui a répondu, « Wallahi malaka, oh malaki alayna min shay. » Il a juré par Allah, comme quoi, « Je ne te dois rien. » C'est-à-dire l'homme là, du moment qu'il l'a divorcé et que c'est le troisième divorce, il jure par Allah Azzawajal qu'il n'a rien à lui donner comme dépense. Tamam. S'il a fait ça, c'est par bonté de sa part et c'est mustahab alayh. Tamam. Faja'at Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fadhakarat dhalika lah. Et ensuite, donc cette femme-là, elle est venue trouver le prophète alayhi sallatu wa sallam. Et elle lui a évoqué cette situation. Faqala, et donc le prophète sallam il a dit à cette femme, laysa laki alayhi nafaqatan. Laysa laki alayhi nafaqatun. Et donc le prophète sallam il a affirmé la vie de cette personne, de ce compagnon, comme quoi elle, c'est-à-dire cette femme qui a été divorcée trois fois, elle n'a pas le droit ou elle n'a pas de droit à une quelconque dépense. Elle n'a pas le droit à une quelconque dépense. Naam. Thumma qal, wa fi riwayatin wala sukna. Et dans une version du même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même le logement, la femme qui a été divorcée trois fois, elle n'y a pas droit. C'est-à-dire après le troisième divorce, son mari n'est pas obligé de la loger. C'est pourquoi le prophète a demandé, comme on va le voir dans ce hadith, que cette femme aille passer sa période de viduité dans une autre demeure. Et donc le prophète il a demandé à cette femme-là de quitter le foyer conjugal, étant donné qu'elle a été divorcée trois fois, et d'aller passer sa période de viduité chez une femme connue des compagnons qui s'appelle Umm Sharik. Thumma qala, ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il a changé d'avis. Qala tilka imra'atun yakhshaha ashabi. I'taddi 'inda ibn Umm Maktum fa innahu rajulun a'ma. تضعين ثيابك فإذا حللت فآذينني. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir réfléchi, il s'est dit que cette femme là Umm Sharik, qui est la propriétaire de la maison vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué la femme divorcée d'aller passer sa période de viduité, il s'est rappelé que c'est une femme qui accueille énormément de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam dans sa maison. Car il a été dit que c'était une femme savante et qu'elle enseignait aux gens. Qu'elle enseignait aux gens parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, il ne faut pas comprendre qu'elle enseignait sans qu'il y ait de voile entre elle et les compagnons. Haja wa kalla. وكذلك il faut pas comprendre qu'il y avait un ikhtilat muharram parce que il se peut que dans cette maison là il y a un mahram منها وهذا أليق ما يكون. Donc en gros cette femme là il y a du monde qui passe dans sa maison, il y a du monde qui rentre dans sa maison, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a préféré pour la femme qui vient de divorcer ou d'être divorcée, qu'elle aille passer sa période de viduité chez Abdallah ibn Umm Maktoum, qui est aveugle. Et il lui dit comme ça, si tu veux enlever tes habits, si jamais tu as le besoin de prendre une douche ou autre, tu seras plus tranquille. Tu seras plus tranquille. Tamam. Et lorsque ta période de viduité aura dépassé, alors informe-moi. Taïb. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas gêné d'envoyer cette femme-là dans la maison d'un aveugle. Est-ce que vous avez entendu le hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, au sujet de ce même aveugle, lorsqu'il est rentré dans sa maison, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Aïcha wa Hafsa de baisser le regard. Et elles ont dit, ou de se cacher. Il a demandé à Aïcha et à Hafsa de se cacher. Et elles ont répondu, oh prophète d'Allah, il est aveugle. Pourquoi on va se cacher? Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qui connaît l'histoire? Voilà, et le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a répondu, et vous? Vous n'êtes pas aveugle. C'est-à-dire vous, lui il est aveugle, d'accord, mais vous, vous pouvez le voir. Donc, une sarifa. Une sarifa. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de baisser le regard et de se cacher de lui. Naam. Taïb, donc comment on pourrait regrouper les deux hadiths? Si toutefois on peut les regrouper. Le deuxième hadith, c'est pas ça. Le deuxième hadith, il n'est pas sahih? Ahsant, lillahi darrak. Ahsant. Le hadith là que je viens de vous citer, de Aïcha et de Hafsa, awalan, il n'est pas sahih. Oumou Salama? Taïb, Oumou Salama. Al-Muhim, c'est un hadith qui n'est pas sahih. Donc on ne peut pas le prendre pour contredire ce hadith qui est dans Bukhari ou Muslim, le hadith qu'on a sous les yeux là. Tamam? Deuxièmement, comme on a vu, il est permis à la femme, tout comme à l'homme, de pouvoir avoir un regard vers un homme étranger, ou pour l'homme, vers une femme étrangère, sans qu'il n'y ait de fitna, et si toutefois il y a un besoin, on a vu des exemples hier, Juan. Mais le mada. À quel moment on dit que, enfin, à quel moment il est permis à un homme de pouvoir regarder une femme étrangère? Or, pour le mariage, ça, on laisse de côté, sinon ça c'est trop facile. Mais pour d'autres exemples où il est permis, parce qu'il y a un besoin. La médecine, ahsant, lillahi darruk. Le médecin, si il doit soigner une femme, il lui est permis de voir l'endroit qu'il a besoin de voir, pas plus. S'il doit opérer à l'œil, il ne va pas regarder en bas du nombril. Wakadalek, qui c'est qui a un autre exemple? Faire les courses. Faire les courses. Passer dans la caisse. Naam, lorsqu'il y a du tijara, du négoce. Taïb, du négoce. Tamam. Elle a le droit de regarder. S'il n'y a pas de fitna. Maintenant, si c'est quelqu'un, un chab, si c'est un jeune assez beau à la caisse ou la kada, fa al-an tumna. Si c'est une fitna ou la kada, tumna. Lakin, s'il n'y a pas de tentation ou la kada, la basse. Taïb. En mangeant en réunion. Hein? Ça peut être en mangeant en réunion. En mangeant en réunion. Oui. Amma hada. Amma hada fala. En mangeant en réunion, ça veut dire que là, il y a un ikhtilat. Naam, naam, lillah adarro. Il vient de nous sortir un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas de grief sur vous lorsque, si vous voulez manger en groupe ou à l'unité, c'est-à-dire en aparté. Naam, naam. Lakin al maqsoud al nisa ma al rijal. Là. ابدا الكلام الكلام على الرجال هذا فيه خلاف طيب حتى وان كان فيه خلاف نحن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدخول على النساء اتقوا الدخول على النساء وقال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضون من ابصارهم ايوه يغضوا من ابصارهم وقال الله وماذا وكانت عائشة رضي الله عنها في الحج إذا كانت تطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم والرجال يدنو منها تنزل أو ترسل الستار فوق وجهها فهمت ويعني ماذا الأدلة في ماذا في تحريم الاختلاط كثيرة في الكتاب والسنة عرفت وياك فنعم le verset que tu as évoqué il indique qu'on peut manger en groupe tout comme on peut manger seul mais il n'indique pas que on peut manger dans une mixité là فمن ثم qui c'est qui a un autre exemple sur le malin à un moment où la femme elle peut oui on avait dit le négoce lorsque le commerce. Par exemple, si une femme elle achète une voiture, une femme elle veut acheter une voiture, hein, que ce soit une voiture chère ou. Elle veut acheter une grosse voiture. Tamam. Là, le vendeur, il est en droit de lui demander de montrer son visage. Pourquoi? Parce que là, il doit signer des papiers avec une personne. Tamam. Il doit s'assurer qu'il vend bien à la bonne personne. تمام وكذلك يعني نفسه والقواعد من النساء التي لا يجون نكاحا ثيابهن ايوه في ماذا تقصد والقواعد من النساء التي لا يرجون والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات La, la, ajouz. Hey, la femme ménopausée, ayouan, la femme ménopausée, la femme qui, a, qui n'a plus ses menstrues, tu peux. Madame, elle a le droit, ou plutôt le regard vers elle n'est pas interdit. Lakin, ayouan, hada kadalek. Laissa ala itlaq. Laissa ala itlaq. Ça aussi, pareil. C'est pas à prendre d'une manière absolue. Parce qu'il y a des femmes qui sont ménopausées, mais qui restent attirantes. Naam. Il y a des femmes qui sont ménopausées, mais qui restent attirantes. Enfin, elles devront garder leurs vêtements et ne pas le retirer. Naam. Les husoul el fitna. Tamam. Aussi avec les études. Si on trouve des hommes où il n'y a pas de séparation. On peut, Les études. Oui. Il y a des femmes qui font des études. Elles peuvent voir les emplois. شوف المسألة مسألة الاختلاط في الجامعة أو في غيرها من الأماكن مسألة عظيمة والحق أن كل ما يدعي أو يدعى إلى فتنة لا بد أن يسد هذا الباب والاختلاط التي يحصل في الجامعة يعني قل أن تجد من لا يقول بأن هذا فتنة. طيب طيب لكن cette nécessité يا أخي on te demandera à quel prix. À quel prix? Non, ma femme elle a besoin d'une médecin. طيب لكن شوف الفساد الذي قد يجر وراءه أعظم من ال من من حاجتنا إلى ارتكاب هذه المعاصي أو هذه الطرق. فهمت؟ فالآن juste là pour répondre aux frères, combien aujourd'hui on peut voir de femmes qui se plaignent d'agressions sexuelle ou par ne serait-ce par la parole, juste à cause de cet irtilat al-muharram. C'est pour cela qu'on va avoir des paramédicaux féminines. Naam. C'est ça ce que vous voulez dire. Mm-hmm. Naam. Lakin, hunaka, mada, jami'at, la siyama fi Saoudiya, ou, mukhtassa bin nisa. فهمت؟ وكذلك في بعض الدول. أنت من أي دولة؟ ها؟ تونس. مرحبا وأهلا وسهلا بك. ما شاء الله. أهلا بك أهلا. حكمت الله رمزي من تونس إمام خطيب من تونس. حياك الله حياك الله حياك الله مرحبا بك يا رمزي. طيب على كل حال ونبين سؤال السجيرة. طيب. وكذلك la femme on peut voir son visage lorsque elle est convoquée chez qui hein, Juan? Chez les autorités, chez le juge. Ouais. Lorsque elle a un jugement ou quoi, le juge peut demander à voir son visage. طيب à la كل حال pour revenir dans le hadith là, ça nous montre que la femme à un certain moment donné, si elle a un besoin, elle peut regarder un homme étranger. طيب طيب donc ensuite le prophète Hassan il a dit à cette femme là si tu dès que tu as passé ta période de viduité fais-moi signe ou informe-moi. فقالت لما حللت ذكرت له ان معاويه وابا سفيان وابا جهم خطباني. Donc lorsqu'elle est devenue lorsqu'elle a quitté sa période de viduité, elle a évoqué au prophète que deux compagnons l'ont demandé en mariage. Elle a évoqué au prophète que deux compagnons l'ont demandé en mariage. Le premier c'est Muawiya ibn Abi Sufyan et le deuxième c'est Abu Jahm. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu Amma Abu Jahm fala yada'u 'asahu 'an 'atiqihi wa amma Muawiya fas'alukun la mala lahu. Donc le prophète Hassan il a dit au sujet de Muawiya, comme quoi c'est un besogneux, il n'a pas d'argent. Donc là on prend de ce hadith ou de cette partie du hadith comme quoi le tuteur il peut demander à ce que le prétendant pour sa fille ait une situation plus ou moins convenable. Naam. Wa kadhalika Abu Jam il dit c'est un homme qui ne lâche pas son bâton de son épaule. Ça veut dire quoi qu'il ne lâche pas son bâton de son épaule, ya Mohamed? Naam. Soit il tape souvent ses épouses, ou soit il voyage beaucoup, tamam. Ou soit encore il menace. Il menace avec son bâton. Il est menaçant avec son bâton. Naam. طيب. هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما معناه لا يجوز أن يخطب الأخ على خطبة أخيه. Il y a un hadith clair sur le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il interdit formellement de faire une demande de mariage à une personne qui a déjà été demandée. طيب يا إخوان. Donc là comment ça se fait que ces deux compagnons ils ont demander la même personne en même temps. L'un et l'autre, ils ne savaient pas. Et s'ils savaient? S'ils savaient, là, il y a jour. S'ils savaient, là, il y a jour. Hein? Il n'y avait pas encore l'ordre. Et là. Vous savez pas? Il y a un dalil wadih qui montre que tout le monde est au courant. Ah. Ouais, ouais, fil hadith. Il voulait laisser choisir la femme. On est proche là. Elle était hésitante. Elle était hésitante. Taïb. Elle était hésitante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, l'interdiction de demander une femme qui a déjà été demandée, ça c'est si cette femme-là, elle penche pour un des deux, elle penche pour un des deux, ou elle a donné son accord, elle a donné son accord pour la demande de l'un des deux. Vous avez compris ça? Ça veut dire si elle a ni donné son accord et ni elle penche pour l'un des deux, famada, yajouz. Ayesh dalil ala yajouz. Wa amam a'yunikum ya ikhwan. Le dalil il est wadih, il est devant vous, dans le hadith. Le prophète, il n'a pas interdit, il n'a pas... Ah, tu étais presque à ce mal. Non, mais il n'a pas réfuté le fait que... Je n'avais pas vu que la femme divorcée a le droit de choisir en fait. Non, c'est pas ça. Il l'a même conseillé par rapport aux deux. Il a conseillé par rapport aux deux, hein, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Hein, Mohamed? Ah, il y a quelque chose d'autre, Andak? Il lui a même conseillé un troisième. Aïwa! النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي اسامه انكحي اسامه فهمت فالان البروفيت صلى الله عليه وسلم يسي كلا ايت دوموندي صح ولا لا يسي كلا ايت دوموندي تمام مي لو با دي يعني كم تا ايت دوموندي خلاص اون اتان كو تو تيرمين دو فكر ولا كذا لا il lui a proposé directement Oussama ibn Zayd. Ça veut dire trois personnes, tamam. Donc ça montre d'une manière claire que le but visé, c'est que si la femme, elle a donné son avis ou elle est d'accord pour un... Là, c'est interdit de venir la demander après cela. Ou si elle penche, elle a un penchant pour un des prétendants, alors là, on ne peut pas venir la demander. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, vous avez le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui montre clairement que c'est possible. Taïb. Naam. Fa qala fa karihtu. Donc le prophète sallam il dit "Inkihi Usama ibn Zayd fa karihtu." Et donc cette femme là lorsque le prophète sallam lui a demandé ou lui a conseillé de se marier avec Usama ibn Zayd, elle a dit j'ai détesté cela. Tamam. Fa certains shurah ils ont expliqué qu'elle a détesté cela parce que Usama ibn Zayd kana aswad al-lawn. Ah voilà. Certains ont dit parce qu'il était de couleur de peau noire. Naam. D'autres ils ont dit لأنه كان ابن مولى, parce qu'il était mada, il était le fils d'un affranchi qui est Zayd ibn Kamala Zayd ibn al-Haritha حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حب ابن حب رسول الله alayhi salatu wassalam. Donc le père de Usama, c'était un ancien esclave du prophète alayhi salatu wassalam que le prophète avait affranchi. Donc elle a détesté se marier avec lui parce que elle-même c'était une femme arabe de la tribu de Quraysh et de la meilleure, enfin d'une des tribus honorables de Quraysh. Fa kanat tara anna fi hadha naqs wa qath. Naam. Donc elle voyait en cela qu'il y avait une diminution dans son prestige ou dans son mérite. Donc elle n'a pas répondu favorablement à l'appel ou au conseil du prophète alayhi salatu wassalam dès le départ. Thumma qala Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété Ankihi Usama ibn Zayd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, il lui a répété Marie-toi avec Usama ibn Zayd. Lorsqu'elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait, là elle s'est dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il me répète cela, c'est forcément que derrière tout ça il y a un khair. Et donc là, elle a accepté. Fanakahtuhu faja'alallahu fihi khairan wa khtabtu bih. Non. Donc le elle dit j'ai donc accepté de me marier avec Usama ibn Zayd et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mariage énormément de bien. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce mariage énormément de bien jusqu'à ce que j'ai été envié. J'ai pas été jalousé, j'ai été envié de ma situation, c'est-à-dire les femmes de son époque l'ont envié de la situation qu'elle avait avec son mari Usama ibn Zayd. نعم وفي هذا أن النكاح ومسائل يعني ومسائله ليس له لون ليس له لون معين قد ينكح الأحمر مع ماذا مع الأسود والأسود مع ماذا مع الأحمر يعني وهكذا وليس عيب وليس العيب في ذلك إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغض النظر عن اللون فهو أسامة بن زيد أسد من أسود الله عز وجل وهذه صحابية جليلة تقول فجعل الله فيه خيرا. Donc dans le mariage en vérité on comprend ce hadith ou la fin de ce hadith que dans le mariage en vérité il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Pour qu'il y ait de la réussite, ça ne dépend pas d'une couleur ou d'autre. Bila Shak, bien sûr que les goûts et les couleurs t'artelif. Min, yani, min makan ila makan, ou min ba'di l'ashkhas ila ba'di l'akharin. Lakin, al-as, huwa anna al-nikah laysa lahu lawn. Le mariage, il n'a pas de couleur. Bien sûr que certaines personnes peuvent avoir des préférences pour telle et telle. Et ça, c'est les goûts et les couleurs. Bila chak. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fortement enjoint un compagnon de regarder sa prétendante et de la regarder bien, de manière à ce qu'il choisisse une chose qui lui plaît. Et les goûts et les couleurs, tartalef min shakhsin ila akhar. Et les goûts et les couleurs divergent d'une personne à une autre. Lakin, tout ce qu'on veut dire, c'est que le fait de que deux personnes, alaykoum salam, rahmatullah, que deux personnes qui n'ont pas la même couleur se marient, ce n'est pas blâmable fil islam. Non. طيب. طيب ايش الحديث الذي بعده طيب قال باب من السنة إذا طلق الرجل زوجته أيوة باب من السنة إذا طلق الرجل زوجته أن يطلقها وهي طاهر أو حامل. Donc ça c'est un point qu'on a déjà vu. Fait partie de la sunna que l'homme, lorsqu'il divorce sa femme, qu'il la divorce en état de pureté ou lorsqu'elle est enceinte. Taïb, ça on l'a déjà vu. C'est pourquoi on lit juste le hadith. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu annahu tallaqa imra'atahu wa hiya ha'idun. Fadhakara dhalika Umar lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Donc le prophète sallam il a indiqué à, comme dans, c'est dans le hadith qu'on a vu précédemment, il a indiqué à Omar de dire à son fils de récupérer, qu'il récupère son épouse ensuite qu'il la divorce lorsqu'elle est en état de pureté ou lorsqu'elle est enceinte طيب باب من الكبائر إفساد المرأة على زوجها أو إفساد الرجل على زوجته. وهذا باب مهم جدا. Fait partie des grands péchés, le fait de pervertir l'épouse d'un homme contre lui. Et vice-versa, le fait de pervertir l'homme face à son épouse. C'est bien traduit, ça, c'est compris ? Non. فهذا من الكبائر. Donc ça fait partie des grands péchés. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans ce hadith, un hadith d'Abi Huraira, ne fait pas partie des nôtres, ne fait pas partie des nôtres celui qui a monté la femme d'un tel contre son mari. Ne fait pas partie des nôtres celui qui a monté une femme contre son mari ou un esclave contre son maître. Taïb, ya Juan, on a dit ça fait partie des kabaïr. Ya Riyad, ça fait partie des kabaïr, pourquoi? C'est quoi le dalil qui montre que ça fait partie des kabaïr? Hein? Quelle est la preuve qui montre que le fait de monter une femme contre son mari ou le mari contre sa femme, ça fait partie des grands péchés? Eh oui, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est désavoué de cette personne-là. Et on a dit les grands péchés, c'est tous ceux qui comprennent une mise en garde de l'enfer ou un châtiment dans ce bas monde, ou le désaveu du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit clairement que celui qui agit ainsi, je me désavoue de lui. Il ne fait pas partie des nôtres. Non. Suleyman, là le prophète alayhi salatu wassalam, il dit il ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire c'est un juif, c'est un chrétien alors, ça veut dire. Juste qu'il n'est pas de la communauté, ça veut dire ni juif ni chrétien, mais il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. C'est-à-dire là, il sort de l'islam. Hein? Allah alam. Ahsan. Hein, Mohamed? Le prophète Zazam, il dit Laysa minna. Il ne fait pas partie des nôtres. Celui qui monte une femme contre son époux. Ou un mari contre son épouse. Hein? En tant que mu'min, c'est-à-dire. Ça veut dire là pour toi, il est encore dans l'islam. Mais Qadir Takaba Damban Adim. Il a fait un grave péché. Mais il reste dans l'islam. Hein? Hein? T'es sûr ou là t'es pas sûr? Ouais, je pense qu'on doit. Naam. Naam. Huwa mazal fi l'islam. Innama, al ma'na ce serait laysa minna, laysa ala tariqatina, laysa ala sunnatina. Hein? Il fait pas partie de nous, c'est-à-dire il est pas sur notre voie, il est pas sur notre chemin. Tamam? Mais sinon ça reste un musulman, mais qui est tombé dans un grand péché. Et ça, il faut faire très très attention, très très attention de monter un homme contre son épouse ou une femme contre son mari. Et ça arrive très très rapidement, des fois sans même t'en rendre compte. Non, mais il faut faire très très attention. Comme ça peut arriver souvent, fréquemment, un frère il se plaint de son épouse. Hein, il se plaint soit d'un mauvais comportement, soit d'un... Et il tombe sur la mauvaise personne. Il tombe sur le mauvais conseiller. Il commence à dire, ah, moi, si j'étais toi, j'aurais... Talak thalathan. Moi, j'aurais envoyé toutes ses affaires chez son père. Et lui, il prend cette parole-là de ce mauvais conseiller. Et yallah, bismillah. Il va et divorce sa femme. Le mauvais conseiller, là, il est dans le péché qu'on évoque. Là. Au Kadala, chez les femmes. Chez les femmes, c'est encore plus évident. Qu'on avait fait Mecca. Wahazala. Lorsqu'elle était à Mecca, il s'est passé chez certains frères des disputes avec leurs épouses, comme ça arrive dans tout couple. Lakin, lorsque tu veux faire un solh, tu vois que ça part de presque rien. Il suffit que des femmes, par exemple, elles visitent une sœur et elles commencent à dire Ah, toi, t'as pas de frigo. Ah, moi, mon mari m'a acheté un frigo. Comment ça se fait que ton mari t'achète pas de frigo? Ah, toi, t'as ça. Ah, mais comment ça se fait que ton mari t'a pas fait ça? Waïda. Et elle se rend peut-être pas compte. Mais elle est en train de remplir cette femme-là de rage contre eux, son mari. Waïda Bilmeskin, il rentre du travail au lama. Il trouve un lion devant lui. Non. Falihada, ça, c'est. Il faut faire très, très attention parce que c'est très vite arrivé. C'est pourquoi, lorsqu'on te demande de rentrer dans une affaire de couple, Yahyaouane, la testa'adil, ne te précipite pas, peu importe ce que tu vas entendre. Peu importe ce que tu vas entendre comme chose étonnante. Mais sois toujours du côté de l'islah. Sois toujours du côté de la réconciliation. Jamais tu te précipites à dire ben, divorce. Ni pour elle, ni pour lui. Toujours, tu t'efforces de réconcilier, toujours. Et après, s'il y a divorce, ça ne vient pas de toi. Comme on l'a vu dans un hadith, je ne sais plus c'est quel compagnon, c'est Abdallah ibn Abbas ou Abu Darda, qui a dit, je ne te dirai pas de divorcer. Hein? Je ne te dirai pas de divorcer. Lakin qala Rasulullah, kada wa kada. Les compagnons, ils avaient peur de rentrer dans ce genre d'humour. Et regardez le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, il dit que Shaitan, il a un trône au-dessus de l'eau. Shaitan, il a un trône au-dessus de l'eau. Hein? Et chaque jour, sa cour se prosterne devant lui ou quoi. Et il demande à ses serviteurs qui a fait les. Quelles sont leurs œuvres. Tamam? Et c'est lequel de tous ses serviteurs qui rapproche? C'est celui qui a réussi à séparer entre l'homme et sa femme. Allahu Akbar. Ça veut dire Shaitan, hein, qu'Allah nous préserve de sa ruse, il a la valeur. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'une des œuvres les plus valorisantes que de séparer un homme avec sa femme. Alors celui qui vient parmi les êtres humains et qui est une cause dans une séparation d'un couple, lui, il a fait l'amal, il a fait le travail des shayatines, il a fait le travail des diables. C'est pourquoi c'est très très important de ne pas rentrer dans ce genre de choses. Et aussi, pareil, la femme peut être pervertie par des gens de sa famille. Par des gens de sa famille, frères, mères, pères, des fois. Comme l'homme. L'homme, sa mère, elle peut lui dire, ouais, ta femme, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Et la femme, sa mère ou son frère, elle peut lui dire, ouais, ton mari, il est kada, kada, kada. Fa kullu hadha haram. Tout ça, sont des choses qui sont formellement haram. Li hadha al-hadith. Li hadha al-hadith. Mais tu peux, si par exemple toi t'as, on va dire, une histoire de divorce, avant qu'il y ait divorce, toi t'es interne à l'histoire, on va dire. Si tu conseilles un talak, tu rentres pas dedans, forcément. Tu peux conseiller un talak si c'est vraiment mieux pour le couple. Non, tu peux conseiller un talak. Naam, bilashak. Nous, notre parole là, elle est à prendre dans le sens où on s'efforce toujours de viser la réconciliation. Après, s'il n'y a pas de réconciliation et qu'on voit que ça cause du tort aux deux parties de rester ensemble, bila shak que tu peux conseiller à une personne de divorcer au final. Mais après avoir rivalisé de patience et rivalisé d'efforts pour maintenir ce couple. Tamam? Naam. Wa iyatafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati. Kana Allahu wasi'an hakima. طيب je voulais aller jusqu'au hadith de la femme que le prophète عليه الصلاة والسلام a divorcé. Le prophète Hassem, il a divorcé une femme, il y a un Juan. Hein? Man. J'ai pas son nom, mais je connais. Ah, tel que ça? Hassem, il a marié une femme. Il y a des femmes qui ont jalousé cette femme, lui ont dit, quand tu présentes, quand le prophète Hassem, il va venir, dis-lui telle parole, j'ai oublié la parole. Quand il est venu, et elle a dit cette parole. Et de là, il a divorcé et il lui a donné une nafaqa. أحسنت يا عبد الله. أسكو سنة حديث صحيح؟ لا. الله أعلم. Il y a aussi l'histoire de Ibrahim عليه الصلاة والسلام où il a divorcé. Il a demandé à divorcer. À son fils. Je pense que ça rentre aussi dans le. Ça, en tout cas. Que du prophète عليه الصلاة والسلام ou là on peut parler aussi des. Non, on peut pas parler des autres prophètes. Lakin le cas d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء عندهم هم مؤيدون بالوحي. Ils sont aidés par le wahy, la révélation. Et leur avis, par exemple, si lui vient à dire à son fils de divorcer son épouse comme Ibrahim l'a fait, c'est pas par passion, mais c'est au contraire par intérêt pour son fils comme pour cette personne-là. Parce que cette personne-là, le fait qu'elle se sépare d'un prophète qui n'est autre que Ismaïl, ça va lui permettre d'échapper peut-être à un châtiment d'Allah Azzawajal pour son mauvais comportement. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que on s'efforce toujours de viser la réconciliation s'il y a un problème dans un couple et de ne jamais se précipiter à dire ouais, ben divorcer ou là, tamam. Mais si après on constate que le divorce, il est véritablement meilleur pour les deux. Enfin, à la base, il n'y a pas de mal en cela. Tamam. Et au sujet du hadith qu'a évoqué Abdallah, c'est un hadith azim, jiddan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a divorcé une femme qui lui aurait dit « A'oudu bik » ou « A'oudu billahi mink » « Je cherche refuge auprès de toi, je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. » Ça, c'est la nuit de noces. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a voulu s'approcher d'elle, hein? Donc il a voulu la toucher de sa main, et elle lui aurait répondu cette parole-là, c'est-à-dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre toi. » Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, de répondre et de dire « Laqad usti bi mu'adin » Tu as certes cherché refuge chez un tout-puissant, un protecteur. « Ilhiqi bi ahlik » Repars chez ta famille. Et il lui a donné des vêtements en guise de compensation. Tamam. Wa huwa hadithun sahih. Et c'est un hadith sahih qu'on verra la semaine prochaine avec le hadith. Avec le hadith, voilà. Avec un hadith important aussi que bon nombre de gens n'ont pas forcément compris de la manière qu'ils devraient. Le hadith qui dit Thalathatun. يدعون الله فلا يستجاب لهم فلا يستجاب لهم. Trois catégories de personnes, ils invoquent Allah عز وجل et Allah سبحانه وتعالى ne les exauce pas. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. Et parmi ces trois catégories de personnes, une personne qui était mariée avec une femme qui avait un très très mauvais comportement envers lui. Et lui, il n'a jamais divorcé. Tamam. Donc lui, il fait partie des gens, des trois catégories de gens, dont les deux ne sont pas acceptés. Tamam. Sharh al-hadith la semaine prochaine, inshallah. Wa yahtaj ila sharh. Lianna al-nas rubama yafhamunahu ala ghalat. Bon, s'il y a des questions, inshallah, on les prend...